بسم الله الرحمن الرحيم. الحزبية يا اخوان أفل لها والله، أفل للخيانة، أفل للغش والخديعة، أفل لعدم النصح لدين الله وعدم النصح للحق والسنة وعدم الوضوح. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية باليمن. أنا plaisir de vous présenter سلسلة الفوائد والنصائح المختصرة. Série de brefs conseils donnés par Mounir ibn Ahmed al-Maghribi. حفظه الله. Et on a déjà fait le tambih une fois, deux fois, أكثر من مرة. أن مسائل العلمية هكذا tu les prends. دائما مقدمة، دائما tu comprends ce que tu vas lire. أما واحد بعض الناس on a dit يهجمون في الفتن. Il sait même pas. عبد الرحمن سكي. Il sait même pas c'est quoi sunna ou al-bid'a. Il sait même pas c'est quand que la personne est sortie de la sunna. Il sait pas c'est quoi asl. Les usul, les fondements eux-mêmes que certains awam ils les connaissent, ربما بعض الناس qui rentrent dans le fitan, ils les connaissent pas comme il se doit. Tu lui demandes un dalil مثلا على طاعه ولاة الامور, والله بعضهم il peut pas citer un dalil, ولا نصف دليل, ولا la moitié d'un dalil. ثم يغطر dans une fitna, ça fait 4 ans la fitna elle est finie, عند ceux qui ont montré le haq, elle est finie, ils sont passés à autre chose. Comment ils rentrent, خاصةً avec mon صيبة l'internet là. C'est une صيبة pour celui qui ne maîtrise pas internet, c'est une صيبة. Wallah, on le voit بعض الإخوان des nouveaux que internet, il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire, il ne connaît rien من القرآن. Wallah, ربما il ne connaît pas 5 hadiths. Dans les fitan, فلان il a dit, فلان il a fait, dans tel site, كذا. Ya, جماعة, c'est pas ça العلم. C'est pas ça l'ilm. Abd al-Rahman al-Adani, que ce soit sunni ou hizbi, yom qiyama, il te fera aucun mal. Aucun mal si t'es pas tombé dans sa fitna. Nahnu l'an, on adore Allah subhanahu wa ta'ala, on avance, il nous fait aucun mal. Alhamdulillah, on pense qu'on est à la haq, et on est sûr qu'on est à la haq, et yom qiyama, cette mas'ala, le haq il apparaîtra. Amma, toute la vie du shakhs, il se lève le matin, internet, fulani il a dit, fulani il a pas fait, il a un taqsir azim fil ibadah. Pas de Qur'an. ربما il a pas fait le hajj, ربما des règles minimes qui concernent sa femme, il connaît pas tout ce qui est lié avec les règles, les al-hayd wa nifas, tout ça ouais, il est ba'id. ربما son comportement il est à revoir, et daiman il est fulan sa hizbi, fulan il a dit, et il est daiman ya akhi, ça c'est tayyib al-jahw wa ta'dil, c'est muhim comme on l'a expliqué, et connaître al-mubtadi' min al-sunni, c'est muhim hatta tu tombes pas dans sa fitna. Une fois que tu as connu akhi, avance, tu dois adorer Allah azza wa jalla, il y a pas que ça. Ton dîn, c'est pas que ça. Pardonnez, ils sont que dans ça. Tu le fais sortir, ربما une règle de nahw au minimum, ma ya'rifouha. Lana, le temps va, kathir. Là, nahnu nadros, on sait que hada rajul sa hizbi sa munharif, on s'écarte de lui et on avance. Celui qui est d'accord, alhamdulillah, celui qui est pas d'accord, baynana wa baynana, al-Qur'an wa sunna. T'es pas meilleur que moi, je suis pas meilleur que toi. Ton qawl, il passe pas avant le mien, et le mien, il passe pas avant le tien, là. Ben, t'as l'air d'être vigé. فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ونبلغ سئ آيات. أما الآن الحقيقة فوي et vous avez entendu, c'est le فوضى. Eh والله c'est le فوضى, c'est le فوضى. فوضى, tout le monde parle, tout le monde هذا il accepte ce qu'il veut, هذا il rejette ce qu'il veut, هذا il rend حزبي qu'il veut, هذا بس الله العافية. فوضى فوضى. لماذا؟ لأن أهل السنة ils sont كثير, لكن ceux qui sont à la علم ils sont قليل. Tu trouves الآن ربما une ville entière, un pays entier ربما masakin, ils aiment le khayr, ils veulent, mais il n'y a pas d'ilm. Un jour il dit kada, le lendemain il dit kada, un jour il se contredit, un jour il dit fulan c'est un sunni, le lendemain il dit c'est un hizbi, takhabbut. مثل هذه العلوم elles sont muhimma. Et on lit la risala que pour ça. Alhamdulillah, on lui donne un waqt, une demi-heure, 40 minutes par jour. Tumma, alhamdulillah, durus fil tawhid, durus fil aqidah, on adore Allah subhanahu wa ta'ala, on fait da'wah, hakada ad-din. Amma toute la journée, ba'd an-nas, toute la journée, à la fin, un dalil il le connaît pas. Tu lui demandes c'est quoi l'asl qu'il a contredit, pourtant des années il est dans la fitna. Lakin internet ça te fera jamais un talib un qawi qui comprend ad-din ou al-fitan. Internet c'est des informations. Tu ouvres un site, ça dépend celui qui gère le site. Un jour il veut t'énerver, tu mets une information qui énerve. Ou l'un sa hizbi il te met son shor, khalas tu chauffes. Un autre jour il veut un peu te calmer, il va parler de mariage, un article, tabroud, tu penses au mariage. Troisième jour, jihad, tu chauffes, tu veux combattre. Ah, c'est ça internet. Ah, mais din, c'est pas hakada. Din, c'est pas hakada. Din, le prophète sallam, il a éduqué les sahaba à l'aqida. Ils ont une aqida solide, le jihad. L'imad, il y en a le jihad, il va patienter, il a l'aqida. Il a l'outil. أنت الآن toute l'année فرغ toute l'année ربما بعض الإخوان مساكين avec le kuffar avec l'iman يضعف le jour où il y a un jihad légiféré شرعي je peux pas te bouger بتل. Je peux pas te bouger internet l'article il est واضح c'est obligatoire comment tu vas faire t'as pas les outils mais sans internet sans rien t'as un طالب علم تطلب العلم الآخر هي إن شاء الله البرومي بإذن الله عز وجل نحن نسيت هذا جسيت هذا هنا لأن استنتخدوكشن أنا نو permet de comprendre la fitna أما إنترنت c'est pas خاصة quand c'est pas organisé خاصة quand c'est pas organisé ربما il va citer une information et t'es pas prêt à la comprendre t'as pas compris le début une information ما تفهم والله même si t'es من خير ما تفهم هذا نحن نكونسيو فقير طلب العلم et internet c'est une chose qui t'aide محاضرة un cours une information مثلا une information elle te complète les fondements que t'as طيب elle n'a pas de fondements et les informations elles viennent هكذا bah ça t'aide tu vas la placer où cette information t'as pas le début Thomas t'as besoin de la suite le site خلاص, les frères ils sont occupés ils mettent plus rien intadab tu fais comment ah, c'est مهم هذا Cheikh Yahya وفقه الله ومشايخ دماج ils connaissent même pas internet هو. Ma, ils ne savent même pas comment ouvrir ربما internet et في الفتنة علم C'est Internet qui a besoin de lui, c'est pas lui qui a besoin d'Internet. Maintenant, on est venu dans une phase où il est dépendant d'Internet. Tu lui coupes Internet, khalas, tu lui as coupé l'oxygène. Alors que là, c'est Internet qui a besoin de l'ilm. Internet, c'est un support. Faqat. Allah al-musta'an. Vous en pensez quoi ? C'est sahih ou. Internet, c'est un support, c'est comme ça. On s'en sert, on enregistre et on met. Amma la dépendance, on voit des frères, ils sont dépendants. La drogue, c'est une drogue. Sarahatan, c'est une drogue. Wahad, il m'a cité, Wahad, Marra, je parle avec Wahad, il était venu de France. Ah oui, il est en France. Il m'a cité, quand il coupe Internet, les Khouan, ils savent, quand il y a une coupure Internet en France, comme si tu lui avais coupé l'oxygène. Rien, ça arrive. Ton opérateur, il y a un problème. Tu viens, tu veux te connecter, il n'y a pas. Ça arrive, t'es obligé de. Khalas, il a plus d'oxygène. Dépendance, c'est une drogue. Et Wallah, c'est une drogue. خلاص il lui faut ربما il lit pas le mushaf pendant une semaine السلف c'était le contraire le Coran لابد حتى le prophète عليه الصلاة والسلام ils ont demandé à Aïcha رضي الله تعالى عنها c'est quoi le comportement du prophète c'est le Coran كانه القرآن يمشي c'est comme un Coran qui marche نحن الآن c'est internet ربما le mushaf il est plus ouvert internet واصل لا internet laisse le c'est un support Laisse-le, il y a une muhadara, tu as besoin d'enregistrer, tu as besoin d'une recherche. Il y a que fait, khalas. Et le reste, c'est l'ilm. Maintenant, l'ilm se fondait sur le hifd. On est tous d'accord. L'ilm, c'est la mémorisation. On avait fait une kalima fi hada et on a conseillé plusieurs fois fi hada al-bab. L'ilm, c'est la mémorisation. Internet, ça va te contredire ce fondement. Comment tu vas mémoriser avec Internet ? Wallahi, tu ne peux pas réviser, tu ne peux pas mémoriser une ayah. Du matin, tu rentres dedans, le waqt il passe, à la fin, là. Apprends par cœur, fais les kutub et de temps en temps, c'est tant que c'est pas du haram, tu regardes ce que tu as besoin, t'écoutes, tout ton talab sur internet. La génération qu'on a de Ahl Sunnah, les jeunes, la génération après 2000, après 2010, c'est beaucoup internet. Tu vois le niveau. Une fitna, ça divise tout le monde. Il aime le khayr, il se divise. Mais va aller à la génération internet. Prends un salaf. Ni internet, ni. Ils ne connaissent pas min hadahum. Quran, sunnah, il a des usul. Oh, alhamdulillah. Les fitnes, c'est wahed. C'est rare que wahed. Combien de fitnes ils ont eu? Ils ont eu fitna de khalq le Quran, eux. Eux, c'était fitna de khalq le Quran, c'est pas Abdurrahman Adani. Un zaïr. Il n'a aucun poids. Eux, c'est fitna de khalq le Quran, c'est le gouverneur. Il les emprisonne wahed et ils tuent. Sahih. Et ça bat. L'imam Ahmed est patient, il se fait tuer. Bah, les ulama à cette époque, tellement que c'était difficile, ils ont eu le droit de faire comprendre à Nahou. Maintenant, Wahad il a dit Al Quran, Wa Thawra, Wa Injil, Naam, les trois ils sont makhlouk. Il parlait de ses doigts. Celui-là et celui-là et celui-là, Naam, ils sont makhlouk. Tellement que c'était difficile, il a trouvé Hada al makhlouk. Alhamdulillah. Tu le connais pas. Il a aucun poids. Tu le connais pas. Avant cette fitna, il était inconnu. Tu n'as aucun lien ma'a. C'est un musulman, c'est notre frère, qu'Allah il le guide. Khalas. Et il a jamais parlé, on ne sait même pas c'est quoi son avis. Il a khalif les usul, il n'a pas voulu faire tawbah. Ils l'ont gonflé, il a fait la division dans une umma. Au Yémen, en Arabie Saoudite, Maroc, Algérie, Indonésie, en France, partout. Wallah, tu viens demander à certaines personnes, je lis, c'est qui ce radjul? Rien, dis-moi c'est qui, pourquoi toute cette fawda? Il ne pourra pas dire. Un salaf, c'est un gouverneur. Allah il les a éprouvés, le Hajjaj. ثم après lui al-ma'mun des pressions, tu dois dire le Coran il est créé sinon prison et je te fouette. Eh yasbiru. Alhamdulillah, il patiente, il patiente, la umma n'a pas bougé. Al-a'imma, ils étaient là, talabat al-ilm, le gouverneur il est parti, et un autre gouverneur il est venu à la khair, et ils ont avancé. Le din était venu. Cheikh l'islam, ce khair que tu vois, qu'on étudie, Cheikh l'islam, il l'a sorti de prison. Subhanak Allahumma hamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Ma'a tahiyyati dammajafair.com. Wa la tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.